Il faut isoler ces détenus des autres détenus, peut-être en créant des unités spécialisées anti-radicalisation. En tout cas, on ne peut pas continuer comme avant. سجن الكريم ابن الكريم يوسف عليه السلام فجعل من السجن منبرا للدعوة في سبيل الله وحوصر رسولنا صلى الله عليه وسلم في الشعب 3 سنوات شداد فما زادهم إلا إيمانا وتسليما فجعل من ذلك علامة على صدق نبوته وفي هذا الزمان رجال تخرجوا من المدرسة اليوسفية وتأسوا بالتضحية المحمدية وضربوا أروع الأمثال فكانوا خير خلف لخير سلف. الحمد لله رب العالمين غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. يبتلينا سبحانه وتعالى بالخير والشر فتنة، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، il y a des degrés que le croyant ne peut pas atteindre qu'en faisant des sacrifices pour donner victoire à l'islam et avoir de la bravoure dans le sentier d'Allah Jalla wa Ala. Et l'objectif de tout croyant sincère est de satisfaire son créateur et gagner bi'idnillah al-firdaus al-a'la. Et toute personne qui œuvre à cela, son plus grand souhait est que Allah Jalla wa Ala le fasse éloigner de l'enfer et qu'il le fasse entrer au paradis. Est-ce qu'il y a un obstacle qui peut arrêter un croyant d'arriver à cet objectif et atteindre cette finalité? Non, par Allah. Il n'y a pas un bonheur supérieur et plus durable que celui du paradis. Il n'y a pas un châtiment aussi qui est plus grand et plus sévère que celui des tourments de l'enfer. À partir de là, le croyant doit choisir pour lui-même le chemin à suivre et il se doit d'assumer sa responsabilité par rapport à ce choix. La prison est l'un de ces obstacles qui enchaîne le croyant et l'empêche d'atteindre et d'assurer les obligations envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et si nous connaissions l'invisible, aucun mal nous aurait touché. Et il y a des choses qu'on a tendance à croire que c'est un mal, mais en réalité elle est au contraire un bien et des promesses venant d'Allah. Mes frères en prison, on a en vous un grand exemple au niveau du sacrifice que vous faites. Vous avez laissé derrière vous votre famille, vos parents, vos proches, votre travail, vos commerces, vos amis, votre maison, pour proclamer publiquement que ce qu'il y a auprès d'Allah est mieux et plus durable, et que votre foi est plus chère que tout. Et vous dites, بِلِسَانِ الْحَالِ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيَّ. Oh mon Seigneur, la prison m'est préférable à ce à quoi il m'invite. Réjouissez-vous de cette sélection et faites montrer à Allah subhanahu wa ta'ala votre fermeté et votre satisfaction pour cette affliction. Et ne laissez pas un échappatoire au shaitan pour qu'il ne rentre pas dans vos cœurs et vous décourager et saper la confiance que vous avez en Allah jalla wa ala. Tout comme Allah subhanahu wa ta'ala a choisi parmi ses serviteurs des mujahidis qui tombent martyrs dans les champs de bataille et qui irriguent cette religion avec leur sang pur, il vous a choisi, vous, pour que vous soyez des martyrs vivants. Vous observez cette religion avec votre endurance, votre sacrifice, votre fermeté, en dépit de la pression que vous subissez par votre ennemi dans les prisons des Tawarit. Considérez ce temps que vous passez en prison, une phase de préparation. Ne perdez pas votre temps sur des choses futiles. Dirigez-vous vers le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et apprenez ce que vous pouvez apprendre. Et si vous le mémorisez, revoyez-le. Lisez les livres du tafsir, de jurisprudence et de hadith, si ceci est disponible dans les prisons. À votre sortie, vous allez regretter le temps perdu dans les prisons Et vous allez vous mordre les doigts pour chaque minute perdue dans les prisons. Chaque minute compte, mes frères, pour l'apprentissage de la science et pour faire des rappels. Sachez, mes frères, que vous n'êtes pas les seuls. Et comme on dit en arabe, si l'affliction touche tout le monde, elle devient facile, elle devient légère. La prison n'est pas une catastrophe, mais une épreuve venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah, quand il aime son serviteur, il l'éprouve. Et à partir de là, vous allez vous rendre compte que Allah subhanahu wa ta'ala vous aime. Sachez également qu'il existe des sœurs emprisonnées qui se font violer dans les prisons des tawarit, des kuffars, des apostats. Elles sont néanmoins endurantes et patientes. Que dirions-nous des hommes qui sont moins vulnérables? Cela mettra sans aucun doute dans vos cœurs l'espoir et la satisfaction envers ce que Allah vous a prédestiné. De ce fait, vous allez résister bi-idnillah et patienter à l'affliction de la prison, qui est en réalité une grâce que seul Allah sait. La prison est une école pour les hommes. Donc soyez les meilleurs successeurs des meilleurs prédécesseurs. Kunu khayra khalaf li khayri salaf. Le jihad ne s'arrêtera pas jusqu'au jour de la résurrection, jusqu'au jour où Isa alayhi salam descendra à Al-Manar al-Bayda fi Dimashq. Et que Yusuf alayhi salam soit pour vous un modèle dans ce domaine. Il viendra bi-idnillah le jour où tu diras, comme il a dit Yusuf alayhi salam, wa qad ahsana bi idh akhrajani min as-sijn. Et il m'a certainement fait du bien quand il m'a fait sortir de prison. Bi-idnillah, tu diras ces paroles lorsque tu sortiras de prison. Wallahu ghalibun ala amrih, ولكن أكثر الناس لا يعلمون وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين